Faz Faísca e Chavascal, a estreia de Margarida Campelo, o tema de avanço para o álbum de estreia que vamos conhecer isso do próximo ano. Foi o posto de escuta de hoje, disponível sempre na RTP Play. No próximo ano, não perder também o Amoré, hoje só abertos. Livros, mentes e guarda-chuvas só funcionam se forem abertos. Cá está uma frase que é muito mais do que um sorriso ou do que um... Que bem pensado, não é? Porque isto, na verdade, quer dizer muito mais. Vamos ouvi-los daqui a pouco. Eu sou Júlio Machado Vaz e a Inês Menezes. Até já. RDP Internacional. Longe da vista. Perto do coração. Ami des coups de vieux et de la jeunesse éternelle. Bonsoir. J'ai eu 30 ans. Radio show depuis 1992. Le chien de On the Rocks, c'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock on, motherfuckers, on the rocks. Do On the Rock. On the Rocks. And On the Rocks. On the Rocks. On the Rocks. On the Rocks. Le rock, c'est tout à fond. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. You're on the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks. On the rocks, baby. Yeah. On the rocks. Et ben voilà, on y est. J'en ai bafouillé d'émotion au début de cette émission. Et bien oui, c'est là, c'est le 30e anniversaire d'On the Rocks ce soir que l'on fête. Je voulais annoncer et encore annoncer celle-là. Et bien c'est ce soir, c'est maintenant. Une émission que je peaufine depuis le mois d'août. Et je n'en suis pas mécontent. Vous allez, je pense, vous régaler. Je pense qu'il y a pas mal de gens derrière le poste, le site ontherocks.net, sur le 87.2 Radio Arc-en-Ciel ou en rediffusion, qui sont en train d'attendre avec impatience ces morceaux, parce que ce soir il n'y a rien de classique, rien de déjà oui. Ce n'est que de l'inédit. Le concept était simple. Je me suis retourné sur ces 30 années. Alors, si vous découvrez On the Rocks ce soir, vous avez loupé 30 ans. Ça va être un petit peu dur de vous résumer les épisodes précédents. Mais disons, pour faire assez rapidement, eh bien, dans On the Rocks, j'essaye depuis 30 ans de vous faire découvrir ou savourer de la musique qu'on n'entend pas forcément ailleurs, ou parfois si. Voilà, j'ai croisé beaucoup d'artistes et certains m'ont vraiment marqué, certains m'ont ému, certains m'ont touché. Et certains que je considère comme des artistes majeurs ne passent pas à mon goût assez sur les autres médias. Donc voilà, je suis une sorte de passeur dans On the Rocks depuis une trentaine d'années et je me suis retourné et j'ai demandé à une pléthore d'artistes s'ils voulaient bien jouer le jeu pour ce soir. Et ce jeu, il est simple, c'était d'enregistrer un morceau totalement inédit et de m'en faire cadeau comme autant de bougies sur mon gâteau d'anniversaire, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont extrêmement bien joué le jeu. Alors, il n'y a pas que des reprises, parce que normalement, c'était ça. Donc, on devait faire une reprise d'un artiste qu'on aimait. Alors, il y a une ou deux petites exceptions, mais qui sont tellement magnifiques que vraiment, je serais bien, bien mal placé pour bougonner. On va commencer tout de suite avec un groupe. Alors, la renommée de cette émission spéciale a non seulement dépassé nos frontières, hein, bien sûr, du département, de national également, mais de notre système solaire, puisque des aliens, attirés par le concept, ont atterri par chez nous. Ils voulaient en être, forcément. Alors, moi, j'ai dit non, c'est quand même réservé aux humains, hein, parce que ça se bouscule au portillon. Et ces aliens ont décidé quand même de participer à cette émission. Alors, ils s'appellent les Suckles, hein, c'est le nom de ces aliens. Et pour prendre une forme humaine et artistique, ils ont décidé de prendre possession de l'enveloppe corporelle du meilleur groupe de rock du monde connu, qui s'appelle les Suckle Fever, hein, qui se trouve être également le meilleur groupe de rock d'Orléans, mais c'est en rapport forcément. Et en plus, ils ont maquillé un morceau de l'autre meilleur groupe de rock du monde, c'est-à-dire les Beatles. Ils ont pris leur Sergeant Pepper et à la façon des Suckle Fever, ils ont maquillé ce morceau en l'appelant 30 Years Ago, il y a 30 ans de cela. Je traduis pour ceux qui ont séché l'anglais en sixième. Et voilà, donc personne n'est dupe. Hein. On sait bien que les Suckle Fever ne seraient pas capables de reprendre du Beatles comme ça, pied au plancher, à moins que les Suckles ne soient la bande de Sam, Sylvain & Co. et qu'ils m'aient offert ce morceau sur un plateau, moi, le fan intégral des Beatles, en changeant évidemment le titre, qui normalement c'était 20 Years Ago. Et là, c'est 30 Years Ago. Ça tombait très très bien. Eh bien tiens, si on commençait par ça, voici donc les extraterrestres, Suckles ou Suckle Fever, ceux qui ne sont pas adeptes du grand complot. Bien sûr que si, c'est l'une des plus belles voix du rock. Personne n'écoute plus de la pop anglaise. Bien sûr que si, c'est une voix super. Ton âge, c'est tout. Mais... Donc Elvis Costello. c'est pas mal. C'est... We'll be right back. save our romance from hell. Maybe I'm moving way too fast. You gotta give me the loving, give me the loving. If you want my love to last. When I used to walk you home, baby, I'm now you got a friend right down the street. But baby, what you're trying to do, you better slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. If you want our love to last. Vous êtes dans The Rocks pour une soirée un peu rallongée ce soir puisqu'on fête les 30 ans de cette émission que vous écoutez maintenant. Alors dans le générique, effectivement, il y avait beaucoup de On The Rocks, On The Rocks, On The Rocks dit par plein d'artistes que j'ai eu la chance de croiser. Alors vous avez peut-être connu, alors il y avait du monde, hein, il y avait Neil Casal, il y avait Natalia M. King, il y avait plein de monde, il y avait Arthur H. évidemment. Enfin, il y avait plein de gens. Et puis bah là, on commence avec du rock'n'roll parce que dans On The Rocks, il y a rock. Et au départ de cette émission, alors que j'avais fait un an sur Radio Béton, eh bien c'était de passer du rock. Et puis très rapidement, je me suis diversifié et dans cette émission, vous avez pu, j'espère, profiter de plein de styles musicaux. Ça va être le cas ce soir avec tous les artistes qui ont accepté de jouer le jeu et de m'envoyer un morceau spécialement enregistré pour moi. Alors là, je fais le malin, je fais le guiré. Ça fait quand même quelques semaines que je suis très ému à chaque fois que je reçois un des morceaux et que je l'écoute, de penser que des gens ont apprécié mon émission à tel point qu'ils ont passé du temps parfois chez eux, parfois carrément en studio pour m'enregistrer des petites merveilles. Et c'est très émouvant pour moi. Alors là, c'était un groupe que je n'ai jamais interviewé dans The Rocks, mais leur leader, François Pedro, est devenu presque quelqu'un d'assez proche. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était son groupe qui s'appelle Mean Circle, et c'était évidemment cette reprise du Slowdown qui date de 1958, qui avait d'abord été chantée par Larry Williams, mais surtout popularisée par les Beatles, sur leur EP Long Tall Sally. Alors je vous rassure, il n'y aura pas que du Beatles ce soir, quoique Adam Wood, qui sera au générique ce soir, a réagi. Vous pouvez m'envoyer des petits messages sur, je sais pas, Insta, ce que vous voulez, qui a dit waouh, incroyable la reprise de Sgt Pepper. Bah, c'est vrai que là, les Sucker Fever, ils m'ont fait une bonne reprise. Mean Circle donc, avec ce Slowdown, groupe blésois. Eh bien, François Pedro, son leader, a tellement été motivé qu'il a fait deux morceaux, un en groupe avec Mean Circle, on vient de l'entendre, et un en solo qu'on va se passer juste après. Alors pourquoi François Pedro, pourquoi on s'appelle souvent en ce moment? Allez, c'est mon petit quart d'heure, même petite 10 minutes autopromotion. J'en fais très rarement, je mélange jamais, vraiment jamais les deux activités. Mais si je suis animateur radio depuis 30 ans, je suis auteur de livres depuis une vingtaine d'années. Et va sortir là en janvier, je sors un bouquin sur John Lennon, une autobiographie rêvée de John Lennon à 11 ans. Voilà, donc c'est un petit peu de la pub ce que je suis en train de faire, mais il y aura un petit QR code, vous pourrez écouter une petite playlist que je vous ai faite à la fin du bouquin. Et puis surtout, il y aura un spectacle 20 janvier à Blois, ce sera au cinéma Les Lobbies. Il y aura un spectacle où je ferai la lecture de, allez, un bon gros tiers du bouquin, accompagné par François Pedro, justement, que vous venez d'entendre chanter, qui jouera entre mes chapitres des petits morceaux de John Lennon à la guitare. Et puis ensuite, il y aura un petit concert de François qui sera rejoint par Marc Minelli, excusez du peu, pour faire un petit concert autour des morceaux des Beatles pendant que je signerai mes bouquins. Donc voilà, et puis un petit film juste derrière sur John Lennon. Ça va être une belle soirée. Soirée gratuite d'ailleurs, à part le film, je crois, la lecture et le concert, ça sera gratuit. Et bien voilà, on retrouve François Pedro à nouveau avec une reprise des Beatles. Si je cale le morceau, c'est encore mieux parce que forcément je parle, donc je ne cale rien du tout. Alors là, il a tout fait tout seul, hein, la voix, les gling-gling derrière, les deux voix... avec les moyens du bord, et franchement, je trouve qu'il s'en sort vraiment, vraiment bien. C'est une chanson où John Lennon, à l'époque, sur un de mes albums préférés, des Beatles, Rubber Soul, avait écouté Bob Dylan, il s'en était pas vraiment remis, et il s'est dit, tiens, moi aussi, je vais essayer de faire un petit peu du Bob Dylan, et ça a donné ça. birthday to ya. I say it's your birthday. We're gonna have a good time. I'm glad it's your birthday. Happy birthday to ya. Yes, we're going to party, party. Yes, we're going to party, party. Yes, we're going to party, party. Birthday, I would like you to dance. Birthday, take a cha-cha-cha chance. Birthday, I would like you to dance. Birthday, dance. À l'instant, c'était encore un beau cadeau, mais il n'y aura que ça ce soir, des beaux cadeaux. C'était Norman Wood, qui, alors forcément, il fallait la faire, cette birthday des Beatles, fan des Beatles comme moi, mais voilà, c'est ce morceau festif de l'album blanc qui était quasiment improvisé par McCartney pour sa chérie Linda, toute fraîchement chérifiée, est devenu une complainte qui tire vers le blues, comme le sait si bien le faire Norman Wood avec sa voix profonde et chaude. Voilà, ça fait partie de ces artistes qui font rentrer chaque morceau dans leur univers et pas l'inverse. Donc voilà, c'est une grande chance pour moi d'avoir croisé ce bonhomme que j'espère je vais recroiser un de ces quatre au micro. Je sais qu'il a un album là sous le coude, il m'a fait la primeur de l'écoute de l'album qui est très très bien et donc bah voilà, je le remercie beaucoup pour ce morceau. Tout à l'heure j'ai oublié de désannoncer au milieu entre les Suckle Fever déguisés en Suckles et les Mean Circle, et bah, il y a eu une petite archive d'il y a 20 ans où ça discourait sur Elvis Costello ici même, alors je pouvais pas difficilement faire l'émission sans faire un petit coucou à Maître Capello qui d'auditeur est devenu un copain, puis un ami, puis un de mes meilleurs amis qui a eu la très mauvaise idée de se tuer en moto il y a quelques temps et voilà, avoir à entendre son rire ce soir, c'était très bien. Il me traitait déjà de vieux, vous avez entendu, si vous avez tendu l'oreille, j'avais 30 ans, donc là j'en ai 50, forcément ça calme un petit peu. Vous avez entendu quelqu'un pouffer au micro, c'est un gars qui pouffe, et c'est un gars qui pouffe depuis longtemps, parce que je le connais depuis longtemps, et toujours il pouffe, et ça me fait vraiment plaisir qu'il soit passé me faire un petit coucou ce soir. C'est monsieur David Bost. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, et toi? Bah ça va, j'étais un petit peu, alors je suis jamais stressé quand je fais une émission de radio, et là ce soir j'étais un petit peu, tu vois, comme ça un petit peu, fallait que la clé rentre vite dans la porte pour ouvrir la porte à clé, tu vois, chez moi. C'est un peu tout me stressait un peu, mais ça va très bien. Très heureux de cette émission et assez fier de ce que je vais te faire entendre. Alors, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus à l'époque où tu faisais un fanzine qui s'appelait Attica, avec du papier jaune. Du papier blanc. Il l'appelait Johnny depuis. C'est ça. Ouais, c'était il y a 25 ans. C'était il y a 25 ans, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis ensuite, Attica est devenu Webzine. Et puis là, maintenant, alors là, c'est autre chose. On parle plus de. C'est pas dans la même catégorie. Sun Burns Out. Je pense que ceux qui écoutent On The Rocks vont de temps en temps faire des. Et merci au passage pour le joli papier que tu as fait pour cette émission spéciale. Super. C'est avec plaisir, c'est la moindre des choses. Donc voilà. Donc tu es venu voir le vieil animateur radio dans Fringues. J'ai lu sur internet que j'étais un quinquagénaire fringant. Ouais, j'aime bien les quinquas. On est tous des quinquas. J'espère que, je sais pas si on est tous aussi fringants que ça. Tu n'as pas changé. Mais oui, j'ai dans mon entourage pas mal de garçons et de filles qui sont de 72. Et quelle belle année. C'est vrai, l'année de l'album Harvest de Neil Young. Donc forcément une belle année. Mais il y a de plus en plus de jeunes. Bon, on va arrêter de jouer les vieux cons. Parce que le morceau suivant, alors déjà, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce micro? Rien, juste savourer la musique. Non, je suis venu écouter, passer un petit moment là. Ça fait plaisir. Avec toi, écouter ces inédits. Alors là, le suivant, il va forcer. C'était très beau, Norman Wood. Ah, Norman Wood, mais. C'était très beau. Alors, je n'ai que des artistes majeurs ce soir dans l'émission, mais vraiment, Norman Wood, un peu comme d'autres artistes qu'on va se passer ce soir, évidemment, pour moi, n'a pas la renommée qu'il devrait avoir, parce qu'il est vraiment. Il a son univers à lui. Et il y en aura d'autres ce soir du même style. L'artiste suivante, eh bien, elle, voilà encore une artiste reconnaissable entre mille. Elle chante deux notes, et hop, ça y est, on sait que c'est elle. Chacun de ses morceaux est un aller simple vers des cieux féeriques, des montagnes de Chantilly, mais pas si guimauve que ça, avec vraiment des mélopées cotonneuses. Sa voix fait des loopings audacieux, des harmonies vocales incroyables, elle fait un peu tout. Et sa version du morceau choisi, c'est un délice délicat. C'est, je dirais que cette demoiselle, c'est un peu de l'audace permanente en dentelle. Tu vois de qui je veux parler? J'imagine. Elle s'appelle Rivka. Oui. Alors, c'est toi qui me l'as fait découvrir, Rivka. Si ma mémoire est bonne. C'est ça. Voilà. Pas la seule, d'ailleurs. Mais donc, je te remercie vraiment pour ça, parce que voilà, c'est une artiste qui a sa singularité. Tu peux peut-être en dire deux mots, parce que je crois que tu la connais depuis plus longtemps que moi. Ben, mais tu l'écoutes autant que moi, en fait. Oui, alors c'était intéressant, les adjectifs que tu as employés, oui, pour qualifier son univers. De l'audace en dentelle. Oui, de la dentelle, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal du tout. C'est quelqu'un qui mériterait évidemment d'avoir une visibilité plus importante que celle qu'elle a actuellement. Ce soir, elle l'a. Oui, c'est cosmologique. C'est cosmologique, je veux dire. Puisqu'en plus, tu as convoqué les martiens, ou je sais pas, les lunaires. Les lunaires. C'est ça. Mais oui, voilà. Rebecca, elle fait de la musique depuis un peu plus de 10 ans. Et c'est toujours. Ses albums, c'est toujours. C'est des albums à la fois très personnels. Et c'est toujours un plaisir, un enchantement de redécouvrir un peu son univers. Quoi. Et puis elle a un talent pour la reprise, ça tombait bien, ouais, ce soir. Beau. Elle fait ça très très très bien. Elle fait ça très bien, ses, ouais, compos personnels sont magnifiques, mais elle a un vrai talent pour la reprise. Et c'était le jeu ce soir, et bien je vais te proposer sa reprise. Elle n'a pas voulu te la faire écouter, c'est bien fait pour je toi. Je ne l'ai pas écouté. Je voulais de l'inédit, donc c'est très bien. Merci beaucoup, et Rivka a été une des premières à réagir et à dire « Ok, moi je te fais un truc, pas de problème ». Et elle m'a envoyé quelque chose que moi je juge magnifique, mais je voulais juger sur pièce. Et puis un morceau que je dédie également à Duduche, qui va tendre l'oreille et qui va reconnaître immédiatement. Merci Rivka. Ce soir, en fait, les 30 ans d'On The Rocks et des artistes ont enregistré des reprises. Rien que pour moi, je suis ravi. Try to see in the dark, try to make it work, feel the fear before you're here, make the shapes come much too close, pull my eyes out and hold my breath till I shake. Jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière note. Jusqu'à la dernière note. Vous avez reconnu ou pas ? Parce que c'était assez à sa façon, et moi c'est ça qui me plaît énormément. Bah, c'est un des groupes qui m'a accompagné évidemment toute mon adolescence. C'était The Cure et c'était Close to Me dans une version magnifiée par Rivka. Petit commentaire alors ? Non, c'était très beau. Franchement, je me demandais vraiment quelle était la chanson qu'elle avait choisie, parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut reprendre. Ouais. Mais effectivement, c'était un chouette soir. J'espère que tu la repasseras. Oui, si elle reste un inédit qui t'est confié. Alors, avec l'autorisation des auteurs et autrices, bien sûr, enfin des interprètes. Le but du jeu, c'est que ces morceaux. Alors déjà, cette émission va être. Tu vas en éditer une compile. Je sais pas. C'est Mathieu Malon qui m'a laissé un message en disant, vu le monde qu'il y a sur l'affiche ce soir, ça serait bien de faire un disque après. Donc voilà. Mais ça, après, je maîtrise pas tout. Mais en tout cas, on peut en discuter. On peut en discuter. Mais en tout cas, sur mon site, il y aura évidemment les morceaux isolés. Et puis, je les rediffuserai régulièrement avec plaisir. Voilà une artiste qui, elle, a été la première. Alors là, il faut que je vous raconte, j'ai lancé cet appel du 30e anniversaire. Je ne savais pas si je le ferais en décembre ou en juin. Je me suis dit décembre, un petit cadeau, c'est quand même pas mal. Donc, j'ai lancé ça au mois d'août à tous les artistes. La plupart des artistes, en tout cas, certains un peu plus tard, mais la plupart, je les ai lancés au mois d'août. Et elle m'a répondu le lendemain et elle a enregistré le morceau dans la nuit qui a suivi mon appel, et ça a été la première à m'envoyer le morceau le lendemain, donc on ne peut pas faire plus réactif. C'est Alma Forer, que j'ai interviewé déjà deux fois, qui pour moi est une artiste aussi majeure, vraiment. Alors là, on est très loin du rock'n'roll, mais c'est une artiste, ce qui m'a toujours plu chez elle. On retrouve intact sur la reprise là qu'elle va faire, ce qui m'a toujours charmé chez elle, c'est-à-dire une classe folle, une sensibilité à fleur de peau. La beauté cristalline dans la voix qui rappelle les grandes heures de Françoise Hardy. Et puis, vraiment une beauté assez irréelle d'Alma Forer. Alors, imaginez la scène. Elle a reçu au mois d'août ma demande si quelqu'un était motivé pour faire ça. Au début, je me suis dit, je vais peut-être recevoir deux, trois artistes qui vont dire oui. Puis bon, voilà, ce sera tout. Ça a été un peu une avalanche et j'en ai été très ravi. Et elle est en vacances en Corse, l'endroit de tous ses étés d'enfance. Et elle est montée le jour même dans le grenier des étés de son enfance. Elle a retrouvé la vieille guitare sur laquelle elle jouait lorsqu'elle était gamine. Elle a branché juste son téléphone. Et là, sous les étoiles de Corse du mois d'août, elle a enregistré ce morceau, mais vraiment à l'arrache. Alors, c'est pas le meilleur son qu'on a ce soir, mais c'est peut-être une des plus émouvantes, puisque là, c'était vraiment dingé. Et elle a décidé de reprendre une magnifique, magnifique chanson comme Rivka, qu'elle magnifie. C'est du Higelin. Elle reprend, donc il va y avoir du français aussi ce soir. Et c'est Je ne peux plus te dire je t'aime. Alors, ce qu'elle m'a dit un jour, c'est gros con. Alma, si tu écoutes, j'ai une preuve. C'est-à-dire, au moment où je te faisais enregistrer les annonces, c'est Alma Forer pour On The Rocks, t'arrêtais pas de te planter et je me foutais un peu de ta tronche, c'est vrai. Et donc, tu m'as dit gros con. Et donc, je l'ai. J'ai des dossiers, je ne l'ai pas sorti ce soir. Mais en tout cas, c'est une bien belle version. Elle a débuté. D'autant qu'elle l'enregistre peu. D'autant qu'elle enregistre peu, mais elle a un talent fou. C'était la très très grande copine de Pomme. À leur début, elles jouaient ensemble toutes les deux tout le temps. Y en a une où ça a vraiment, vraiment décollé. Alma, ceux qui savent, savent, comme dirait l'autre. Il y en aura beaucoup des ceux qui savent, savent ce soir. Voici donc sa version du morceau d'Higelin. Je ne sais pas si tu connais le morceau originel de cette chanson, mon cher David. Point. C'est quelle chanson ? Je ne peux plus te dire je t'aime. Ah, peut-être. Alors très bien. Alors tendez l'oreille, s'enregistrer avec un téléphone sous le ciel de Corse, c'était cet été, et c'est la première à avoir répondu présente. Donc Alma, je t'embrasse. Thank you. Forer spécialement pour On The Rock ce soir dans la version de Je ne peux plus dire je t'aime de Jacques Higelin. Très belle version et puis ça donne envie de partir en vacances en Corse du coup, tiens, bim, puisque ça a été enregistré là-bas. Vous êtes donc dans On The Rocks avec Manu. Ce soir, on fête les 30 ans de l'émission. Merci à tous ceux qui ont relayé cette émission. Oui, 50 ans, hein, je le disais, hein, 30 ans d'émission, 50 ans. J'ai commencé à 20 ans, 1972, Monsieur Rochette, très bonne année. Oui, oui, c'est vrai, très bonne année, 1972. Et on va continuer avec quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune. J'aime pas les gens plus jeunes, surtout les talentueux, ça m'agace. Mais c'est pas vrai parce que lui, vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement qu'il est venu énormément de fois dans l'émission. Je l'ai connu, lui, il y a bien, bien longtemps. C'était il y a 20 ans. À l'époque, il a eu plusieurs vies aussi artistiques. À l'époque où il était batteur, chanteur d'un groupe qui s'appelait In Limbo. Et ensuite, il s'est lancé dans une carrière solo où il a pris la guitare. Il a fait exactement tout comme Dave Grohl. Tout pareil. Et donc, il s'est lancé dans une carrière solo où il magnifie un peu ses musiques un peu ciselées, plutôt à influence américaine. Il maîtrise parfaitement les harmonies vocales. Et alors, très bon batteur également, guitariste et puis mec extrêmement sympathique. Il s'appelle David Bost. David Bost, ça y est, je devais la faire. C'est parce que je te regarde. David Chevalot, pardon. Et David Feknam, surtout sur son nom de scène. T'as cru que t'allais chanter, t'as eu très peur. Et donc, David Chevalot, donc, qui, pour le morceau qu'il m'a offert, bon sang ne saurait mentir, puisqu'il est le fils de Patrick Chevalot, grand producteur d'Higelin d'ailleurs, puisqu'on en parlait à l'instant. Et donc, il avait eu une période où il avait arrêté la musique pendant une petite dizaine d'années, là, il ne s'était pas remis, pris par son travail, et puis, il revient avec un nouvel album, j'ai hâte. Et puis, lui aussi a fait un morceau, mais alors là, comme je disais, la lignée ne ment pas, puisqu'il a fait un morceau absolument chiadé, avec des harmonies vocales parfaites, avec des très très très très bons, très très belle orchestration, et c'est un morceau des Birds qu'il a choisi, qui est un de ses morceaux préférés. Ça s'appelle Here Without You, et ben on se le passe tout de suite maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y. C'est parti. De David Feknam, mais alors que toi tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait de chanson, rien. Je fais même pas de reprise de volet, rien. Mais par contre, je suis très très content de réentendre David, quoi. Ah, ça fait un plaisir fou, hein. Je suis d'accord avec toi. Et vraiment, ça c'est très prometteur. Il m'a fait écouter deux morceaux de son prochain album. Ça va être très très beau. Il viendra le défendre ici à ses micros comme il le fait à chaque fois. Et sa reprise là des Birds est absolument somptueuse et voilà. Il a beaucoup enregistré visiblement là ces derniers temps. Ouais. Comme quoi, de temps en temps, c'est bien d'avoir le réflexe de revenir à la musique quand on l'a laissé pour d'autres, pour une autre vie. Alors on en reparlera, il y a des artistes comme ça ce soir, dont un en particulier, je sais que tu écoutes là-bas, ça va bientôt être ton tour, pas tout de suite mais tout à l'heure, qui lâchent un peu l'affaire et qui se disent bon ben parfois à quoi bon, et franchement quand on a un talent comme ça, moi ça me c'est ma sorte de mission de faire que ces artistes aient un porte-voix et que ça continue à être diffusé, bien sûr, parce que c'est tellement bien. Donc David Fecknam à l'instant, merci mon petit David, enfin mon petit David, tu fais combien toi? C'est à peu près ma taille, donc voilà, tous les David sont petits, comme tous les Manu à peu près. Voilà un autre morceau qui, à mon avis, va vous faire frémir de l'autre côté du poste. Alors, je ne sais pas si Momox écoute, mais si Momox écoute, ça va lui faire du bien, je pense. À toi aussi, je pense, David, ça va te faire du bien. Alors, voilà quelqu'un qui est une artiste. C'était une des premières que j'ai reçues dans The Rocks il y a 30 ans. Donc, ça doit faire 20, 27 ans ou 28 ans. On s'était perdu de vue après, pendant 25 ans. Et là, j'ai décidé de la recontacter un petit peu pour cette émission, parce que c'est quelqu'un qui m'avait impressionné et pour moi, c'est quelqu'un qui compte. Elle s'appelle Isabelle, mais son nom de scène et son nom de guerre, c'est Pollyanna. Elle m'a envoyé son morceau avant-hier. Alors là, c'est toute une histoire. Ça fait partie de ces artistes, je pense, extrêmement exigeantes, et c'est une belle qualité pour moi. Et donc, elle avait peur de pas y arriver au bon moment, que ça soit pas assez présentable, d'être surbookée par plein d'autres choses, exigeante avec elle-même. Et elle a tenu bon et elle a tenu parole, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Alors, elle a enregistré ce morceau vendredi dernier, autant Alma Forer, c'était au mois d'août. Elle, c'était vendredi là, qui vient de passer. Elle était en concert et backstage, pendant la balance de sa première partie, elle a fait, avec un petit pocket recorder, elle a enregistré ce morceau. Alors quand je dis backstage, c'était la réserve du bistrot là où elle jouait. Et elle l'a mixé, me dit-elle, elle l'a mixé le lendemain matin, le samedi matin, en doudou dans l'appartement éco-chauffé où elle dormait. Et elle me l'a envoyé. Donc là, je l'ai depuis quelques heures, ce morceau. Et je lui avais dit, t'inquiète pas, à l'arrache, ça peut être très bien aussi d'enregistrer à l'arrache. Alors, David Fecknam, qui lui, ne sait pas à l'arrache, et les Sucker Fever, vous avez entendu au départ avec le 30 Years Ago Today, Sgt Pepper, c'était pas du tout à l'arrache et c'était bien chiadé, mais à l'arrache, ça peut être très bien aussi. Bah, je m'étais pas trompé. Je me demande si la première fois qu'Isabelle est venue dans ton studio, je pense que j'étais pas loin. C'est possible, c'est fort possible. Je m'étais trompé un petit peu en lui disant que c'était très bien aussi à l'arrache. Je me suis trompé, c'est pas très bien, c'est parfait. Elle m'a vraiment livré une reprise qui, moi, m'a collé la chair de poule. Et je vous dis pas quel est ce morceau, parce que David et les autres, vous allez reconnaître immédiatement. Take me out tonight. Where there's music and there's people who are young and alive. Driving in your car. Oh, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight. It's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. out tonight. But take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Just driving in your car. Oh, I never, never want to go home, because I haven't got one. I haven't got one. Dommage de se passer de la voix d'Isabelle et de Pollyanna pour cette émission. Merci beaucoup à elles pour cette reprise. Évidemment, les Smiths, à l'époque où Morrissey était fréquentable et un peu moins ballot, pour parler voilà, court. Donc, c'était une très, très belle version de cette merveille des Smiths et de ce merveilleux groupe qui m'a accompagné aussi pendant l'adolescence. Alors, j'ai des invités surprises qui viennent d'arriver dans les studios. Alors, attendez, je vais essayer de mettre des micros. S'il y a des micros, hop, tac, bim. Voilà, il y a du micro. Bon anniversaire, On The Rocks. Merci. Joyeux anniversaire. Oh, les voix de grand-mère. Ces anges viennent de l'EHPAD, qui viennent d'arriver. Et voilà, donc et ben, on va continuer. Mettez le casque sur les oreilles, les amis. Je coupe votre micro, comme ça vous pouvez parler entre vous. Hop, il n'y a pas de casque. Ah, d'accord, il n'y a plus de casque. Bon. Eh bien, nous allons continuer cette émission spéciale 30 ans avec encore quelque chose qui m'a fait vraiment, vraiment plaisir. C'est quelqu'un qui a répondu présent et ça, ça m'a fait chaud au cœur. Il a été à la tête, il a été leader d'un des groupes majeurs de ces 20 dernières années. En France, c'était le groupe Santa Cruz qui ont livré des albums parfaits. Groupe fabuleux, naviguant entre le folk et l'americana, là encore, avec des albums impeccables, un parcours sans faute. Et puis leur chanteur, Pierre Vital Gérard, donc, a développé une petite carrière solo par ailleurs, sous le nom de El Oso. Il est sur d'autres projets maintenant, puisque le groupe Santa Cruz s'est séparé il y a quelques mois, c'était au mois de juillet. J'en étais bien triste, car vraiment, bah, voilà, ça fait partie de ces groupes, des espèces d'esthètes qui ne ratent rien. Et donc, quand je lui ai demandé de participer ce soir, et ben tout de suite il a répondu présent et ça me fait vraiment un grand plaisir. Il m'avait déjà fait un petit morceau pour les 25 ans de l'émission, mais là cette fois c'est une reprise et c'est en français. Alors il l'a enregistré la nuit lui aussi, il y en a beaucoup qui ont enregistré la nuit, qui étaient motivés par cette ambiance un peu nocturne. Et bien lui il chante en français sur ce morceau, c'est une reprise d'Alain Bachung. Alors là, il a joué avec le son, il a saturé un petit peu, et ben moi je trouve que ça va très bien au morceau, et ça lui va très bien. Voici donc El Oso, alias Pierre Vital Gérard. Merci à toi Pierre, c'est parti, ça s'appelle Angora, et il présente lui-même le morceau, comme quoi j'ai pas grand-chose à faire ici. Il est tard, presque minuit, c'est l'heure d'Angora.

Ce soir dans The Rocks, on fête les 30 ans de l'émission avec des artistes qui ont enregistré des morceaux spécialement des reprises. Et puis celle-là, alors là, ça m'a fait vraiment, mais comme à chaque fois qu'il prend une guitare et qu'il chante, ce monsieur, ça me fait dresser les poils. C'est Mathias Stenn, qui est pour moi le plus inclassable, le plus singulier, le plus profond et exigeant et reconnaissable immédiatement de tous les artistes que j'ai reçus à ce micro. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'équivalent musical à Mathias Stenn. Il continue son bonhomme de chemin, il va à son rythme, il est complètement hors du système, hors du temps, et il est très exigeant sur son art, parce que je crois qu'on peut appeler ça de l'art. Là, c'était une reprise de Leonard Cohen, alors là, il est vraiment dans des eaux super commerciales. Hein. C'est pratiquement couplet-refrain pour Mathias Stenn, c'est du jamais vu. Mais il le fait avec une... Bah, vous avez pu ouïr à l'instant, c'était vraiment magnifique ce Burn on a Wire de Leonard Cohen. Merci beaucoup Mathias pour ça. Alors il me dit, ouais, bon, comme tous les exigeants, il y a quelques pop, il y a quelques machins, tu verras, c'est un peu crâne-muche, mais eh bien moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très beau. Voilà, j'ai des invités surprises dans les studios qui... j'ouvre les micros, je vous ferme les micros, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez causer, vous voulez pas causer, vous préférez... Non, on veut pas. C'est David, je t'ouvre le tien, David, toi. Tu peux faire des petits commentaires, toi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je dis rien. Ah bon? Non, je trouve tout... Ça, c'est la classe, quand même. Oui, c'est vraiment très beau. Là, c'est vraiment la grande classe. Bon, on va changer complètement de registre avec un morceau qui m'a été envoyé également il y a quelques jours. Lui aussi a répondu présent très vite et j'en ai été très, très heureux. Alors, c'est son côté punk. Lui, il n'a pas vraiment respecté la règle de « on fait une reprise spécialement pour l'émission », mais il a enregistré un morceau à lui pour l'émission, au milieu d'une session avec son compère qui s'appelle Crazy Pipi. Alors Crazy Pipi, son compère, vous le connaissez sûrement pas, mais lui, vous le connaissez, il s'appelle Baz. Et donc Baz m'a fait l'amitié de m'envoyer un morceau totalement inédit juste pour les 30 ans de l'émission, et ça, vraiment, ça fait plaisir. Alors, bah, c'est du Baz, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est un morceau inédit, un peu dub, un peu tranquillou, mais Baz est un artiste beaucoup plus profond qu'il peut s'en donner l'air parfois. Comme Mathias Stenn, dans un autre registre diamétralement opposé, il est immédiatement reconnaissable, il a une patte qu'on reconnaît en quelques secondes, à la fois dans ses textes, à la fois dans sa façon de chanter, à la fois dans ses instrumentations. Il y a que Baz pour faire du Baz, et donc je suis très heureux vraiment et honoré qu'il m'ait livré un morceau ce soir. C'est un morceau qui va nous permettre de chalouper, et si vous le permettez, je crois qu'ici certains le permettront, et bien c'est un morceau que je vais dédier à Sissou. Et oui, comme ça, ça va me permettre de lui dire bon anniversaire, parce que j'ai un petit peu zappé son anniversaire, parce que je pensais trop au mien des 30 ans. Donc ça, c'est pas bien. Donc Sissou, c'est pour toi. Bon anniversaire, Sissou, et tu vas pouvoir chalouper avec ton Riri. C'est parti. Et le prochain morceau sera pour Tinus. Il comprendra pourquoi. Rock it. Là tu vas, t'endors pas, tu es en bas de chez toi. Là tu vas, déconne pas, réponds-moi. C'est les 30 ans dans The Rocks et on demande à des artistes, j'ai demandé à des artistes de me livrer une petite version d'un morceau qui leur est cher et lui a répondu présent aussi, ça m'a fait très plaisir. Et là, je rouvre ton micro forcément, mon cher David, puisque c'est ton poteau, c'est Mathieu Malon, c'est notre légende orléanaise. T'en as passé beaucoup du NTM? Non, c'est la première fois. Ah, ça, je vais peut-être passer la reprise des Brigitte. Mais c'est la première fois que je passe du NTM dans mon émission, repris donc par Mathieu Malon. Alors moi, je suis assez surpris de le voir reprendre du NTM, mais est-ce que toi, tu es surpris de le voir reprendre du NTM? Non. Non, non. Non, il écoute ça, lui. Je sais pas, je pense pas. Non, je pense qu'il a écouté ça et qu'il s'est souvenu de ça et qu'il a eu envie de, d'aller vers ce... C'est bien d'avoir fait comme ça. C'est cas. Bien approprié. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc merci beaucoup Mathieu. Je ne sais pas si tu écoutes ce soir. J'espère. Merci pour cette reprise qui moi m'a surpris et m'a voilà. Ça fait de l'éclectisme dans The Rocks et c'est le but du jeu depuis le depuis la création de cette émission. Donc merci. Et puis tu sais que bah t'es le bienvenu à ces micros comme d'habitude. On va continuer avec un morceau. Alors là ça va faire plaisir à parce que Duduche est là. C'est Duduche. J'en parle depuis 30 ans de Duduche tout ça que Duduche écoute. Alors je vous avoue, je peux avouer maintenant qu'il y a des fois j'avais l'impression que personne n'écoutait l'émission et je me disais au moins il y a Duduche, donc je faisais l'émission pour Duduche et donc ça m'est arrivé plein de fois, donc merci, merci d'être là depuis 30 ans et ça, ça va te faire plaisir je pense. C'est un groupe, alors ça fait partie des rares groupes ce soir que je n'ai pas interviewé, à chaque fois ça s'est pas fait, mais je leur cours après depuis un moment parce que pour moi c'est une des grandes révélations de ces dernières années et c'est pas Duduche qui va dire le contraire, c'est un groupe qui vient de Tours qui s'appelle les Strawberry Seas, qui ont sorti deux albums qui sont des pures merveilles absolues. Je les ai vus sur scène au 108. D'ailleurs, je crois que tu étais là, David, aussi, je crois, ce soir-là. Est-ce que tu étais là? Bah oui, parce que c'était... Ah oui, c'était oui. Je programmais. Tu programmais. C'était bien d'être venu. Entre autres. Ça a bien fait d'être venu. Le groupe a, le groupe a changé de line-up. Il y a le guitariste qui est parti, je crois. Alors, ils se sont retrouvés comme au départ à 3. Ouais, c'est ça. Au départ, ils étaient augmentés. Maintenant, ils sont à nouveau 3. Ouais. Et eux ont fait les choses en grand pour cette émission. Ils sont allés en studio et ils ont vraiment chiadé ce morceau, rien que pour moi, et ça me fait un plaisir fou. Ce morceau, je dois vous l'avouer, je l'ai pendant des semaines là passé en boucle dans ma voiture. Et c'est une reprise absolument magistrale. C'est elle qui chante parce que lui il chante aussi. Les Strawberry Seas, c'est quand vous voulez dans ces studios pour une session acoustique. Et écoutez-moi ça, messieurs dames. Moi, ça m'a vraiment fait fondre. Une telle qualité, ça fait du bien. Et je pense que vous allez atteindre le paradis. Oui, avant c'était pour Tinus, forcément. Tinus, c'est le seul morceau de rap que je passe depuis 30 ans dans The Rocks. Ben, fallait être là, hein, t'as écouté le bonsoir. Bon, donc c'est pour te mettre en forme pour le match de mercredi. Sauf qu'il y en a qui boycottent ici, mais qui boycottent devant l'écran. Ça va bien. C'est un boycott un peu particulier avec des « Ouais, vas-y, mais vas-y !» Après, ah non, c'est vrai, je boycotte. Je comprends totalement. C'est dur. C'est le boycott. C'est dur quand t'aimes le foot. C'est le concept de boycott mou. Donc voici la reprise des Strawberry Seas qui est une pure merveille et il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et allez, je fais un petit teasing. Il y aura un morceau exprès que pour moi, enregistré cet après-midi par Tom McRae. Ça va terminer l'émission et là, je peux vous dire que j'ai failli m'évanouir. Voici les Strawberry Seas avec... Eh ben, vous allez reconnaître. Sunburned freezer burn. Oui, ça applaudit dans les studios avec des gants. Ça ne s'entend pas et les micros coupés, mais ça applaudit quand même. C'était donc les Strawberry Seas avec évidemment leur reprise magnifique de All Apologies de Nirvana. Hein? Quand même. J'ai de la chance quand même pour mon 30e anniversaire. C'est quand même pas mal. Ah, c'était magnifique. Mais j'espère qu'on va l'entendre beaucoup plus sur l'album alors du coup. Ouais, et bah ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est vraiment une belle fierté ce morceau. Merci beaucoup les Strawberry Seas et vraiment vous êtes ici chez vous. Alors là, c'est peut-être le moment le plus émouvant pour moi. Rien que d'en parler, j'ai des petits frissons. Je vais donc diffuser une reprise. Alors c'est le but ce soir d'un artiste, c'est le but ce soir. Et c'est quelqu'un qui est déjà passé dans l'émission, il est déjà passé deux fois à ses micros. Et c'est pour moi un artiste vraiment majeur, avec une voix qu'on reconnaît immédiatement, avec une qualité d'écriture et d'interprétation qui est... Voilà, assez bluffante, qu'il fasse des albums très rock'n'roll électrique ou qu'il fasse des albums acoustiques, eh bien, il est toujours aussi bon. Et puis, eh bien, voilà, je l'avais un peu perdu de vue. Et puis, je lui ai proposé, parmi les premiers, à participer à cette émission parce que je ne me voyais pas faire une émission des 30 ans sans lui, parce qu'il m'a vraiment marqué. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'assez énorme. Et il m'a répondu, en substance, je crois que je peux le dire sans le vexer, que bah, il ne se voyait pas reprendre une guitare, que... Voilà, il était un peu dépité, un peu au fond du trou. Il n'arrivait plus à faire de la musique et pour lui, c'était cramé. Et que... Voilà, donc quand j'ai entendu ça, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'un garçon comme ça, avec ce talent-là, ne reprenne pas une guitare et ne joue plus. Alors j'ai un peu insisté, j'ai été un peu lourd, j'ai été lourd qu'avec lui, mon cher Adam Wood, je n'ai été lourd qu'avec toi. Et je lui ai dit, écoute, si ça te dit, ça peut te faire du bien, vas-y, et n'importe quoi, mais moi ça me ferait du bien. Et donc il l'a fait, il a repris sa guitare et avec un pote il m'a dit bon alors on avait 4 heures hein, donc on a fait un truc vite fait, hein, c'est chiadé, c'est pas terrible, vous allez entendre le truc chiadé pas terrible, j'aimerais bien en faire souvent des trucs chiadés pas terribles comme ça. Et donc il a repris la guitare pour cette émission, pour les 30 ans, et il m'a envoyé un mail qui m'a ému énormément, où dans le mail il me dit que bah voilà, ça lui a peut-être remis le pied à l'étrier et que c'est peut-être grâce à moi qu'il va refaire un peu de musique et grâce à cette occasion. Alors, il n'a pas besoin de moi, hein, le talent est là et il a besoin juste de rebrancher une guitare. Mais ça m'a ému parce que si au moins cette émission des 30 ans a pu servir à quelque chose, déjà à réunir des amis dans le studio, donc ça c'est quand même pas mal, et des amoureuses même, mais des femmes, non, je suis marié, il faut s'y faire. Mais au moins ça a servi, si ça a servi au grand, grand Adam Wood à refaire de la musique, et ben alors vraiment j'aurais gagné, j'aurais bien fait de tenir sur les 30 ans, Opine du chef, parce que je peux dire que ça tourne aussi dans son autoradio, le CD d'Adam Wood, depuis longtemps. Donc voilà, ça s'appelle You Will Always Be the Same. C'est un morceau de Ryan Adams, pas Brian, hein, Ryan Adams. Et alors écoutez-moi cette version, écoutez-moi ça, et puis juste derrière, et c'est carrément une légende du rock français qui m'a enregistré un morceau. Donc vraiment j'ai beaucoup de chance ce soir, je vous le dis. Adam, merci beaucoup et ne lâche plus cette guitare. Ici, toutes les personnes dans le studio sont d'accord. T'as un talent fou et je crois qu'après le morceau que tu vas entendre maintenant, je crois que ils vont être encore plus convaincus. Adam Wood, donc, avec You Will Always Be The Same, enregistré que pour moi avec son pote à l'arrache en 4 heures. C'est tout pourri. Écoutez-moi ça. Cars in a pouring rain. Go to the birds that left us in the dust and the flames. And when the sun meets the horizon, there'll be something smart to fold up. Shut up. blood makes us better than the game. But you will always be the same. You will always be the same. You will always be the same. The same, the same, the same. Big break. Ce sont en fait les 30 ans de l'émission On The Rocks avec des artistes et quels artistes qui nous livrent des versions et quelles versions de morceaux et quels morceaux. C'est vraiment une soirée assez extraordinaire. Alors parfois on est à la fac, on a 18 ans comme ça, on mange des gâteaux avec du duche et Toc Toc au lieu de bosser. On est à la fac et puis on écoute des disques et on les écoute beaucoup. Et on écoute par exemple des disques de Johan Asherton. Et puis quelques années plus tard, eh bien on se retrouve à table avec Johan Asherton qui nous fait des morceaux rien que pour nous. Et puis les jours des 30 ans, eh bien il nous livre une perle comme celle qu'on vient d'entendre. Alors Johan Asherton, c'est vraiment... Alors c'était évidemment le chanteur des Froggies, et puis à la fin des années 80, il est rentré vraiment dans la légende du rock français. J'aurais pas à dire mieux, David, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment un artiste majeur, un artiste qui est reconnu par ses pairs et qui est vraiment encensé partout. Et là, il a choisi cette magnifique version du titre de Bob Dylan, Lay Lady Lay, et il le fait très bien, très très bien. Et pour moi, ça me fait un petit frisson d'avoir quelqu'un que j'écoutais. Alors, Johan, je suis désolé, du coup, ça a l'impression d'être un dinosaure. Mais quand j'étais jeune et que voilà, qui me livre ce morceau, son exigence en font l'un des musiciens les plus fantastiques de l'Hexagone. Qu'est-ce que t'en dis? Tu vas pas dire là, David? Non, pas moi. Non, c'est surtout un gars qui poursuit son chemin sans faire la moindre télévision, quoi. Voilà. Pas comme beaucoup, mais lui, depuis le temps. Droit dans ses bottes. Un peu comme. Comment il s'appelle là, que tu as interviewé il n'y a pas très très longtemps, notre cœur. Arnaud, Little Bob. Little Bob, tu vois. Tous ces gens-là qui sont là depuis des années et. Oui, alors moi j'ai lu énormément de papiers sur Johan qui disait que vraiment il les avait influencés, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui compte et merci beaucoup Johan pour cette magnifique version. Et en même temps, chanter en anglais en France, c'est pas ce qu'il y a de plus simple en fait. Ouais, ouais. Et pour passer dans The Rock, c'est pas mal. Et donc voilà, il a même dormi dans le lit de Tinus, hein, Tinus, tu te rends compte, dans ton lit. Johan Asherton a dormi dedans. Ne lave plus ton lit. Si, lave ton lit, je retire ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup pour ça. Et puis, j'espère à bientôt. Et vous pouvez retrouver les deux interviews absolument passionnantes de Johan Asherton sur le site ontherocks.net où il y a toutes les archives. Alors, mes amis m'ont tous apporté des coups à boire, tout ça, à manger, tout ça. Mais alors, on ne peut pas dans les studios, donc c'est très, très frustrant. C'est là, ça nous attend dans le couloir. Par contre, il y a des gars qui s'appellent les Strong O' Blade. Qui viennent d'arriver avec leurs morceaux à eux. Alors ça, c'est aussi une belle aventure, puisque ce sont deux groupes qui ont joué il n'y a pas si longtemps, les deux à l'Astrolabe, qui s'appellent les Buxom Blade et les Strand Common, deux groupes qui ont Blutch en commun, le fameux Blutch, qui ont décidé de s'accoquiner, de se réunir pour cette émission et pour les 30 ans, et de s'appeler ils s'appellent les Strong O'Blade. Ils ont changé de nom, et de savoir que deux groupes fusionnent pour m'enregistrer un petit morceau, c'est sympa. Et ils sont pas venus seuls, ils sont venus avec des gars qui viennent d'entrer aussi dans le studio invité. C'est Tom Waits et Iggy Pop qui viennent de s'asseoir avec des clopes et du... Non les gars, on peut pas manger et boire dans les studios, les gars. Ils s'en foutent, ils sont en train de s'allumer des clopes. Bon. En même temps, avoir Iggy Pop et Tom Waits pour son anniversaire, c'est pas mal. Bon bah allez-y les gars, je vous en prie. My jewelry, it's not really... I don't even inhale. You want to join me? Well, yeah, since I quit. I can do that. Yeah. All right. Okay. Non, pas de cigarette, les gars. Non. Bon, attention à la santé. Oh. Hey, boy. Thank you. Yeah. You know what I mean? Now that we've quit. Mm-hmm. Mm. Hey, cigarettes and coffee, man. That's a combination. Can't beat it. You know, we're really like the coffee and cigarettes generation when you think about it. Thank you. Mama, take this badge away from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. This long black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Décidément, plein de Bob Dylan. Alors d'abord, je désannonce, pour ces 30 ans dans The Rocks, on a eu les Strong O'Blade, mélange de Buxom Blade et de Strong Command, avec cette reprise de Tom Waits, Hang Down Your Head Long. Merci les gars, c'était vraiment très amusant, et surtout, c'est vous qui avez amené Tom Waits et Iggy Pop, hein, c'est pas moi, c'est eux qui ont mis ça au début de leur morceau, en train de boire des coups, fumer des clopes, en disant quand même les clopes, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup messieurs, merci Blutch, merci pour ça. Et puis à l'instant, c'était les Vite François. François que je connais aussi depuis des années, ça doit bien faire 20 ans François, je ne sais pas si t'écoutes ce soir, mais je sais que t'écoutes puisque t'es le duduche au masculin, le fafa bis, c'est-à-dire qu'il écoute pratiquement toutes les semaines, ce François-là. François guitariste d'un groupe qui s'appelle 16-Pack, qui sont venus avec la chanteuse Emma, qui sont venus 2-3 fois dans l'émission ici, et puis là il se lance en solo, chanteur, et puis régulièrement sur son Instagram il poste des petites chansons comme ça, avec soit ukulélé, soit guitare, soit charango, je ne sais pas ce que c'est ça. C'est un charango, ça ? Qu'est-ce que personne sait ? Bon, c'est, moi, je dirais charango. François, tu peux m'envoyer un petit message. Et donc, lui, il me l'a fait un petit peu, choisissez sur le menu. C'est-à-dire qu'il m'a proposé plein de morceaux. À l'écoute, il m'a dit, alors, lequel tu veux ? Et j'ai dit, bah, soit ça. Et ça a été ça. Donc, merci beaucoup, beaucoup, François. Ça s'appelle Les Vite François. Et c'était Knocking on Heaven's Door, évidemment, de Bob Dylan, dans une version très minimaliste. On va remettre un petit peu de sauce dans The Rocks, puisque j'ai eu un SMS d'un... quelqu'un d'anonyme qui a pris un pseudo qui s'appelle Juju et qui m'a dit un peu plan-plan comme anniversaire. Donc je sais où t'habites. Attention, je connais ton adresse. Voilà. Donc, eh ben, on va passer à la vitesse supérieure. Alors j'aurais dû avoir jusqu'au dernier moment. Alors il y a des groupes, là on va arriver dans les groupes du dernier moment. Il y en a qui me disent depuis des semaines, oui, pas de problème, on a un truc pour toi, on te l'envoie à telle adresse, super, ça nous fait plaisir. Et puis là, j'ai plus de nouvelles depuis 3 jours. Je me suis dit, oula, ça sent un peu le caramel. Et ils m'ont juste envoyé un petit message audio en disant désolé, vraiment là on est en tournée, c'est trop compliqué, mais on tenait à dire bon anniversaire. C'est les Bell Rays, donc on va avoir un petit anniversaire de la part des Bell Rays, c'est quand même pas mal, qui vont nous dire bon anniversaire, hein, surtout à moi parce que c'est quand même mes 30 ans d'émission. Et puis juste derrière, eh ben ça va envoyer du boudin, hein, ça n'est pas pour déplaire pour Fafa, donc c'est spécial dédicace pour Fafa. Ça va être alors là le morceau a été fini de mixer. Il était 17h, je pense. Voilà. Donc, il fini de mixer à 17h, à fond, il me l'a envoyé au dernier moment. Désolé pour le timing, mais on s'est éclaté. C'était super, on était pieds au plancher. Waouh, bon anniversaire. Eh bien, c'est le groupe de ce bon vieux Stéphane Jopek de Blois. C'est les Sharpers qui portent haut et fort le rock'n'roll à Blois et dans le monde entier depuis des lustres et des lustres. Donc, merci beaucoup, les Sharpers. Vous aussi, c'était une interview, mais alors ça, c'était une interview. C'était peut-être il y a 30 ans, ça. Les Sharpers, c'était il y a très longtemps. Merci, Jopek. Merci à tout le monde d'avoir fait. Ce morceau fantastique, c'est une reprise des Flaming Groovies. Ça s'appelle Check Some Action. Donc voilà, un petit anniversaire de la part des Bell Rays. Et puis juste après, c'est les Sharpers. Vous êtes dans The Rocks, c'est les 30 ans. Hey, this is Bob and Lisa from the Bell Rays. Hey. Wishing you a very happy 30th anniversary. Happy anniversary. We're on the road right now. Happy anniversary. And getting ready to leave, but we just wanted to drop a note to say happy anniversary. Congratulations and happy anniversary. Woo! I C'était mes plimes sols à moi que j'ai ce soir. C'était les Sharpers. Merci beaucoup, les gars. Je crois que je pèque. Ah, petit message. Attention. Est-ce que c'est un message de. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Aïe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit yeah, yeah, yeah. Bis à vous tous. Ah, voilà. Et bah oui, on a tous dodeliné. On s'est tous trémoussé. Donc merci beaucoup à toi pour ce morceau. Sur le fil, hein. Sur le fil, Stéphane. Mais en tout cas, il était là. Voilà, 30 ans dans The Rocks. Je sais pas. Alors c'est peut-être un peu casse-gueule ce que je vais vous demander, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un souvenir dans The Rocks qui l'a marqué ou un truc qui se dit oh, je me souviens? Non, rien, personne. Non. Non. David. Les 20 ans. Les 20 ans. On était là. Les 20 ans, c'était bien. On était là. J'avais 4 kilos de moins. On avait marqué tous les lundis. Ouais, c'est vrai. J'ai même pas pris en photo la banderole. Faut que je prenne en photo la banderole après. En tout cas, merci parce qu'on débute tout le temps la semaine super bien avec toi. Ah, c'est bien. Puis en plus, comme il y a le podcast maintenant, on peut le recontinuer dans la semaine. Dans le mercredi, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire cette émission. Puis celle-là me fait particulièrement plaisir. Alors là, on va atteindre quelques sommets, mes amis, avec un morceau qui, lui, a été enregistré la nuit dernière. cette chanteuse a été mon véritable énorme coup de cœur du festival Hop Hop Hop, mais pas de cette année, de l'année d'avant. Cette année, c'était Émilie Zoé qui m'a fracassé. Ah, je lui ai proposé à Émilie, mais elle n'a pas donné suite pour un petit morceau. Mais en tout cas, l'énorme coup de cœur de l'année dernière, c'était Bloomy, que j'ai découverte grâce au festival. Non, je connaissais un morceau, mais que grâce à Hop Hop Hop. Et ça m'a terrassé tellement je trouvais ça beau. Et elle m'a enregistré deux morceaux qu'on retrouve sur le site ontherocks.net. Et je me suis dit, il ne peut pas y avoir les 30 ans sans elle, parce que vraiment, tellement sympathique. Franco-anglaise, toujours entre deux trains, puisque là, elle revenait d'Angleterre justement hier soir. Et elle a dit, pas de problème, j'arrive, j'ai la crève, j'ai la voix enrouée, j'ai une guitare toute pourrie, mais dans la nuit, je te l'enregistre, je te jure que je te l'enregistre. Et donc, effectivement, elle a tenu parole. J'ai reçu, cette nuit, je me suis levé 4 heures du mat, j'avais le morceau... C'est dans mon ordi, donc je l'ai un peu écouté à 4h du mat, ça a été un grand moment. Il a été enregistré sous les étoiles la nuit, et donc elle l'a envoyé, elle a marqué pour Manu, Circles pour Manu sous les étoiles, c'est le nom du morceau. Tu te lèves tôt, dis donc. Ouais, je vais faire pipi, je suis vieux. Et elle m'a envoyé le morceau en disant, voilà, je te préviens, ne dis pas que tu te lèves pas pisser, David. Rarement. c'est le menteur. Là. Et donc elle me dit, tu vas voir, j'ai la voix éraillée. Et donc du coup, tu ouvres ton PC pour voir si t'as... Ah bah là, j'attendais des morceaux, si tu veux. Ah, j'en entendais deux en particulier, dont celui-là, et celui de Tom McRae, je dois t'avouer. Et donc elle me dit, voix éraillée, fatiguée, la guitare toute poucrave, tu verras, c'est quand même pas terrible. Bah, c'est une merveille. Alors elle non plus, elle n'a pas joué le jeu, Emma alias Bloomy, puisque ce n'est pas une reprise, mais c'est un morceau qu'elle m'avait fait entendre lors du précédent Pop-Up. Et j'avais dit, mais ça, c'est magnifique, quoi. Et elle avait dit, ouais, je sais pas si je vais le garder. Et là, elle m'a dit, écoute, tu l'aimes tellement, ce morceau-là, que là, c'est officiel, je te le donne. Donc, c'est à toi. Donc, c'est un morceau qui ne sortira probablement pas sur CEP, mais je pense que... Alors, d'un côté, j'ai très envie que ça sorte, parce que pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre, et en même temps, c'est à moi. donc, peut-être, je vais le garder, peut-être. Voilà, ça s'appelle Circles. Ça a été donc enregistré de retour d'Angleterre avec une voix éraillée. Écoutez-moi ça. Merci beaucoup Emma, tu as enchanté ma nuit, c'était très bien. Et voilà. Il n'a pas redormi. Si j'ai dormi, et c'est un morceau que je livre à mon abeille préférée quand même, parce que pipi et Bloomy, c'est quand même bien. Un petit pipi et Bloomy. Mais écoute, arrêtez, impossible de dire des choses ainsi avant un morceau de Bloomy, c'est pas possible. Écoutez-moi ça, c'est fantastique. Merci beaucoup pour ce magnifique cadeau, et c'est l'avant-dernier morceau ce soir des reprises. Mais après, il y aura un peu de rock'n'roll enchaîné, vous verrez. Je vous ai prévu un petit final un peu live, mais c'est l'avant-dernier, et juste après, ce sera Tom McRae. Voici donc Circles, un morceau inédit qui est à moitié pour moi de Bloomy. Et c'est très beau, je me tais, je vous laisse écouter. Strange outcomes, bet so what could be like. lost it all. My heart and all those with it are out rambling on the run. What a sleek dance to get there, this piece by piece of me. I advanced and you receded. The sea falls back contentedly. Je vais mettre mon réveil à 4 heures toutes les nuits. T'as pas dû te rendormir tout à fait pareil quand même. Hein. C'est-à-dire que la nuit, il y en a qui rompent, puis il y en a qui font des merveilles. Quoi. C'est ça le truc. C'était absolument merveilleux. Merci beaucoup Emma pour ce cadeau magnifique. Bloomy, donc. Hein ? Quand même. Mmh. Ouais, oui, bon, et puis il était temps qu'elle vole de ses propres ailes. Oui, cette fille qu'on suit depuis 10 ans et qui joue dans plein de groupes, qui accompagne plein de gens. Ouais, qui est derrière tout le monde, qui là est sur le devant de la scène, et franchement, ça lui va très bien. Voilà. Donc, c'est bientôt la fin des morceaux inédits. J'en profite pour remercier tous les artistes qui ont participé. Comme je l'ai dit au début de l'émission, j'ai été vraiment très ému de sentir cette affection autour de cette émission On The Rocks et éventuellement de ma petite personne. Merci à tous vraiment d'avoir joué le jeu. J'espère que ça vous a plu de l'autre côté. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour des retours, parce que c'est toujours bien d'avoir des retours. Et puis il y a ce morceau, ce dernier morceau, j'avais jeté une petite bouteille à la mer à ce monsieur que j'avais interviewé deux fois, dont une fois il y a 10 ans. Il s'appelle Tom McRae, chanteur britannique, qui pour moi était un et toujours un des chanteurs les plus talentueux depuis les années 2000. Il a sorti son premier album en l'an 2000, ça donnait envie d'aller faire un tour du côté de l'an 2000 tellement c'était beau. Il a jamais fait de mauvais album, il a jamais fait de mauvais concert, enfin j'étais pas à tous, hein, ça se trouve il y en a un qui était pourri, mais en tout cas sur scène c'est vraiment assez fantastique. Et pour moi, c'est un des grands, grands de la musique. Pour vous dire, je ne suis pas le seul, puisque Scott Walker lui-même l'avait repéré alors qu'il n'avait même pas sorti d'album. Il lui avait demandé de venir sur scène. Donc, c'est quand même pas mal quand Scott Walker vient vous chercher. J'ai lancé cette petite bouteille à la mer. Et Tom, à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans, m'a dit, écoute, ça me ferait avec un grand plaisir de te faire quelque chose. Et puis, il m'a dit, oui, je le ferai, pas de problème, rappelle-le-moi. Je le rappelle, ouais, pas de problème. Puis, pas de nouvelles, je vous raconte la petite tambouille interne, jusqu'à samedi soir, c'est ça. Et donc, il m'envoie un message samedi, il dit, désolé Manu, j'étais un peu sur autre chose, parce que sa belle-mère, la mère de sa femme, venait de mourir brutalement. Et donc, je lui ai dit, écoute, vraiment pas de problème, c'est pas l'important, le morceau, c'est vraiment ce qui se passe autour de toi, donc je te souhaite plein de courage. Et il m'a dit, écoute, je te le fais dans la nuit. Pareil, je le fais dans la nuit, bon, ok. Et donc, il ne l'a pas fait dans la nuit, il l'a fait aujourd'hui. Et comme les Sharpers, il y a une sorte de course à l'échalote avec les Sharpers, il me l'a envoyé le morceau à 16h38. Il a dit, je suis en train de le mixer, il m'a envoyé des petits messages, je suis en train de le mixer, là, c'est bon, c'est la fin. Et donc, ce morceau, alors, non seulement Tom McRae tout seul au piano à la voix, bon, déjà, c'est un beau cadeau, vous allez voir ça. Et puis, il y a 10 ans, je lui avais demandé en interview, quel est ton disque de chevet en ce moment. Il m'a dit c'est un album de Patty Griffin que je connaissais pas, chanteuse qui a été Madame Robert Plant de Led Zeppelin. Il m'a dit écoute, cet album il est merveilleux. Et c'est vraiment un album que j'ai écouté donc il y a une dizaine d'années et c'est devenu un de mes albums fétiches, un album magnifique. Grâce à lui j'ai découvert cet artiste et c'est pour moi son meilleur album à Patty Griffin. Et là il m'a envoyé le morceau tout à l'heure, il m'a dit c'est un morceau de cet album là, ça s'appelle Kite Song, c'est tiré de cet album de Patty Griffin. Là c'est une reprise et messieurs dames, voilà, pour les 30 ans de Down the Rock, j'ai Tom McRae qui m'a fait un morceau rien que pour moi. Et ça quand même, ça fait du bien, mais je le garde pas que pour moi, je le dédie à tout le monde ici dans les studios, je le dédie à tous les auditeurs, auditrices, et puis à ma sœur préférée aussi qui doit être en PLS, parce qu'elle va attendre Tom McRae, je pense qu'elle va pas s'en remettre. Donc Katou, c'est pour toi aussi. Voici donc la dernière reprise de ce soir, mais c'est pas tout à fait fini, avec Tom McRae, avec Kite Song. Merci beaucoup Tom, thank you very much Tom, je lui dis on comprend mieux. Sunday after, there was laughter in the air. Everybody had a kite, they were flying everywhere. All the trouble went away, and it wasn't just a dream. All the trouble went away, and it wasn't just a dream. In the middle of the night, we try and try with all our might. In the middle of the night, the world it's mine, a little diamond-colored room. In the middle of the night, we keep sending little kites until a little light gets through. Bon, très, très beau. C'est ma chanson d'anniversaire. C'était Tom McRae. Merci beaucoup, Tom, pour ce cadeau magnifique enregistré cette nuit, je crois, mixé dans la journée. Enfin, je ne veux même pas savoir, mais c'est absolument magnifique. Ça va bientôt être la fin dans The Rocks. Merci, mes très chers, d'être venus ce soir. Merci à toi pour tout ce que tu nous envoies tout pour le temps. Nos oreilles. Ouais. Ouais, c'est bien, je vous nettoie les oreilles, c'est bien. Mais ça va être l'heure des remerciements. Alors, il y a 30 ans de remerciements, ça risque d'être un peu long. Et on en veut encore pour 30 ans. Alors, ah, mais c'est pas fini, c'est pas fini. On d'un autre côté, on en entendra peut-être un peu moins. Mais bonsoir. On en veut encore pour 30 ans. Ils font des appareils très très bien, maintenant, pour bien entendre. C'est le moment des remerciements, alors on y va. Eh ben merci, ben, bien sûr, merci à Radio Arc-en-Ciel et à Patrice en particulier qui m'a fait rentrer à Radio Arc-en-Ciel il y a 30 ans. Merci à l'Astro, à l'Astrolabe, à toute l'équipe d'Astrolabe, à Fred, à Duf évidemment qui m'a fait découvrir tant et tant de merveilles, à Marion de me permettre d'aller interviewer les artistes, à Julie bien sûr, et puis aux anciens, à Manuela, à Jérôme, à Romain avec qui on a fait l'Astro Micro, avec Ben avec qui on a fait des bien belles vidéos. Merci, elle ne m'écoutera sûrement pas, mais Tania Semama qui était à l'époque chez EMI et qui a eu confiance en moi dès le départ alors que j'avais que des petites cassettes pourries, elle m'a dit bon maintenant on t'envoie tous les disques de chez EMI, donc ça faisait quand même plaisir. Merci au grand Fred Salé alias Louis Arthur et pour son amitié, pour ses coprogrammations et pour évidemment ses concerts fantastiques à Saint-Jean-de-la-Ruelle, ça a été une période absolument fantastique à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Merci à mes chers disparus Fred Metal Maniac, bon, bien sûr avec Andy Rock, Andy Rock, et puis bien sûr à Maître Capello, hein, il était là au début de l'émission, d'entendre son rire, ça, hein, ça... Ouais. Bah moi, je vais me le repasser de temps en temps, le rire de Maître Capello, il était là ce soir avec nous, et je lui dois toujours une tablette de chocolat. Merci à Sylvain Trémaud et à David Chevalot pour les programmations croisées. Sylvain, on le retrouve au début d'année prochaine. Merci surtout et beaucoup aux frères Jiménez qui m'ont permis et qui sont venus me voir un jour en disant mais dis donc, faut que tu fasses un site toi. Oh, vous croyez? Bah ouais, attends, on va te le faire ton site. Et depuis, bah c'est le webmaster de mon site tous les ans. Et puis deux frères passionnés par On The Rocks qui ont construit le site. Sans le site, je ne serais pas grand chose à l'heure qu'il est. Merci beaucoup à David qui vient de quitter la pièce, fidèle auditeur. Merci beaucoup au professeur X et son œil acéré, sa calvitie conquérante. Merci à toi Xavier, c'était pour toi le petit morceau des Smiths. Et merci au docteur K qui a fait le visuel, qui a fait les premiers visuels et qui a fait que je suis l'homme que je suis. Merci à toi mon frère, tu me manques. Merci à Christophe Arondo qui par son enthousiasme légendaire m'aide à garder la foi et qui me pousse vers des projets comme celui du mois de janvier. Ça c'est merci à toi. J'oublierai pas ça. Merci à Catherine Ringer qui m'a fait le cadeau de me prêter sa voix pour le générique. Elle m'a dit allez c'est cadeau, tiens, puis on peut en faire ton générique. Donc ça c'est quand même sympa. Merci à Nathalie M. King qui m'a fait cadeau de son amitié. Merci à tous les musiciens qui ont joué le jeu de mon anniversaire et les musiciennes ce soir. C'était vraiment top. Merci à Katou qui doit toujours être évanoui depuis le Tom McRae. Je t'embrasse bien fort. Merci à Fafa qui me dit c'est bien, ACDC c'est quand? C'est bientôt. Ça va pas tarder. Merci à Tinus qui est peut-être encore là et qui se dit que décidément ça manque de rap là-dedans. Mais quand même le rock'n'roll, Tinus, hein, t'as été élevé à ça. Je t'embrasse bien fort. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, merci à Zaboudinette qui dit que décidément ça manque d'Arctic Monkeys là-dedans. Eh ben j'aime pas les Arctic Monkeys. Merci à Amélie qui dit que décidément ça manque de fesses de babouin là-dedans. C'est vrai. C'est pas faux. Merci à Duduche, ma plus fidèle auditrice et accessoirement ma meilleure amie du monde. Donc quand même. Et puis, mais là, c'est la musique ce soir. Ah oui, c'est vrai. Merci pour la musique, hein. Ouais. Merci pour tout ce que tu m'as fait découvrir. Tous les concerts aussi c'est pas qu'on fini. A partagé. C'est ouais, pas c'est fini, ça. C'est pas fini. Écoute, November Ultra qui passe à l'Astrolabe bientôt, ça va être très très très très beau. Et puis merci à l'abeille sans qui tout ne serait que poussière. Oui, et moi je voudrais te remercier parce que quand j'écoutais On The Rocks il y a quelques années, je n'y entendais rien, c'était du chinois, et maintenant ça y est, j'ai l'oreille un petit peu plus développée. Voilà. Elle a des grandes oreilles maintenant. Elle a des grandes oreilles. Merci mon Fafa d'avoir été là ce soir. Ouais, et puis bientôt pour la victoire. Enfin, il y en a qui boycottent. Allez, vas-y! C'est pas tout à fait fini pour On The Rocks. Déjà, c'est pas tout à fait fini parce que j'espère qu'il y aura une 31e et une 32e année parce que j'ai toujours envie de vous faire découvrir des choses. Ah, quand ouais. J'ai envie d'arrêter, enfin, je me dis, allez, il y a du Duche qui écoute et il y a quand même des gens mais qui écoutent. Et puis, je me dis, bon, allez, à quoi bon? Et puis, j'écoute deux morceaux dans la semaine et je me dis, ah, ça serait bien d'enchaîner ça avec ça. Comme ça, je pourrais faire découvrir. Puis, c'est reparti pour un tour. Donc, ouais, et puis, vu tout ce qu'on t'a envoyé là, c'est y a pas que, ça, ça, y a pas envie, que ça, nous, il y en a plein derrière toi. Il y a plein oui, c'est ça. Ouais, même Juju tapote du pied, je le sais. Et puis, donc ça recommence au mois de janvier, bien sûr. L'émission que vous venez d'entendre sera mise en ligne ce soir. Je sais pas si j'aurai le courage, mais en tout cas mardi ou mercredi, avec tous les inédits des artistes qui seront dans l'onglet live. Donc vous pourrez podcaster, partager et tout et tout. Et puis pour finir l'émission en beauté, je vous ai programmé une petite vingtaine de minutes de morceaux en live rock'n'roll qui parlent de rock et qui parlent de plaisir de rock'n'roll. Et ça commence par non, je ne m'en rends pas, je continue. Je ne dépose pas les armes, ça s'appelle No Surrender, c'est un morceau de Bruce Springsteen et de Street Band. Mais il y aura aussi du Led Zepp, mon Fafa, et il y aura aussi du Pearl Jam, ma Duduche. Et il y a du Pearl Jam, Nat. Wouh, super! Et on finira avec des Stones, Nat. Et il y aura aussi du Creedence Clearwater pour terminer. Je vous retrouve donc après les vacances de Noël, vous aurez le temps de réécouter tout ça. Merci encore mille fois à tous les artistes qui ont joué le jeu et qui ont. Il y a eu 19 partages, je crois, de mon post sur Facebook. Il y en a déjà qui parlent de mais faudrait faire un disque, voilà. Enfin bon, voilà. Merci à tous, merci à toutes. C'était 30 très belles années. Et puis j'espère que les 30 prochaines seront bien aussi. Tinus aura 48 ans, on va se calmer. C'est parti, je vous laisse avec du rock'n'roll. Merci, je vous embrasse, vous qui êtes là. Joyeux anniversaire. Et aussi. in. There's a war outside still raging. City has any ball away. I want to see brave, peaceful skies. We'll be right back. I like it. Espionagem, guerra muda o tema, o diálogo no cinema, zapping e jornal, série, logo futebol, o vizinho num concurso a fazer figura doce, chaves, tão chaves, papai, grupo barato, oh, é tão louco, circo louco, demora, demora, o que é bom nunca é para agora, quem me dera ir daqui para fora. Vida de estrada, não há prazos nem obrigações, não há debates nem euromilhões, onde o sol eleva e a frescura acaba.